Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 232, spécial Cannes 2025. Et oui, on est un petit peu en avance, mais Radioactive est toujours en avance sur le temps. Et pour cette émission concernant les films en compétition pour la 68e édition de la Palme d'Or du prestigieux Festival français de cinéma, je serai accompagné de l'équipe Radioactive, Marlène, bonjour, Maxine, Alain. De retour. Bonjour, bonjour. Et puis Vincent à la technique. Bonjour à tous. Avec qui nous allons évoquer ces films qui vont essayer de séduire le jury présidé cette année par Juliette Binoche. Voilà. J'allais dire une bêtise, je pensais Julie Godrèche. Je les confonds tout le temps. C'est Judith en plus. Hein? Julie, c'est ça. Judith Godrèche, ouais. Ouais, mais ces actrices françaises qui se ressemblent et qui jouent pareil, c'est... Bon. Enfin, bref. Mais maintenant, place à la sélection. Donc, ce qu'on va faire, on va vous présenter les films en compétition plus le film qui fera l'ouverture, qui, lui, est hors compétition. Et puis, bah, comme d'habitude, on va faire notre petit marché et essayer de voir les films qui pourraient intéresser les uns et les autres. Cette fois, il y aura la parité, puisque deux garçons, deux filles, on est vraiment dans les clous. C'est parfait. Eh bien, Maxine, comme tu es notre invitée, avec ton petit retour, faire une petite présentation du film qui va ouvrir Cannes cette année. Et oui, et le premier film qu'on découvrira à Cannes, ce sera « Partir un jour ». Sans retour, non, je rigole, c'est juste partir un jour. Ben oui, mais ah non, mais hors antenne, on a chanté. Oui, mais vous savez que on entend cette musique justement, c'est dans le film. Eh bien, oui. Ah bah oui, bah, c'était vraiment nécessaire. Donc partir un jour de Amélie Bonin, c'est son premier film. Il est même hors compétition. Donc pour le synopsis, on parle alors de Cécile qui s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique. Elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite d'un infarctus de son père. Et loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse, ses souvenirs resurgissent et ses certitudes vacillent. On retrouve dedans Juliette Armanet, la chanteuse, je suppose, et Bastien Bouillon, ainsi que François Rollin. Donc, vous voyez, un casting assez éclectique, hein, puisque, comme tu l'as dit, Juliette Armanet, elle vient plutôt, elle, de la chanson. Ouais, elle a fait des voix, notamment sur Léo, oui, qu'on a voilà, vu. Voilà, ah, non, mais elle n'est pas étrangère au milieu ciné. Mmh. Et puis, bah, François Rollin, on ne le présente plus, hein, professeur Rollin. Bah, lui, c'est plutôt un humoriste, mais aussi très bon acteur. Et puis, Bastien Bouillon, j'avais eu l'occasion de l'interviewer au cinéma studio. À l'époque, il était jeune débutant. Bon, c'est quelqu'un qu'on trouve un peu comme Pierre Lottin. C'est des gens qui... La jeune vague française, on pourrait dire, dans les années à venir, c'est des gars qui vont avoir une importance de plus en plus grandissante dans le cinéma français. Eh bien, ensuite, je vais vous présenter le premier film donc, qui sera en compétition. J'ai pitié de mon ami Vincent, donc c'est moi qui vais me coller sur le nom anglais. Je ne prononcerai aucun nom étranger dans cette émission. Le projet Phénicia, The Phoenician Shame, un film germano-américain de Wes Anderson, donc une pointure qui est déjà venue et on sait que c'est quelqu'un qui peut éventuellement postuler à une palme d'or. Mmh. Donc c'est un film d'espionnage, de comédie noire. Alors l'histoire, c'est le riche homme d'affaires Zaza Korda désigne sa fille unique, une religieuse, comme seule héritière de son domaine. Alors que Korda se lance dans une nouvelle entreprise, ils deviennent rapidement la cible de magnats intrigants, de terroristes étrangers et d'assassins déterminés. Et donc, vous voyez que c'est un bon nid de vipères. Et on retrouve quand même Benicio del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks et Mia Shrippleton dans le rôle de la bonne sœur. Donc, un très beau casting. Ensuite, Marlène, tu peux nous présenter le film suivant ? Mais avec plaisir. Le suivant s'appelle Eddington, de Ari Aster. Donc, c'est un film de comédie noire américain contemporain. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en mai 2020, une confrontation entre le shérif d'une petite ville, Phoenix, et le maire, Pascal, déclenche une poudrière alors que des voisins s'opposent à leur voisin, à Eddington, au Nouveau-Mexique. Donc, c'est un film avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone. Encore pareil. Gros casting. Hein. Gros casting, hein, pour l'instant, on commence bien. Vincent ? Le suivant, ça va être John Mayer, des frères Dardenne. Donc, c'est un drame belge. Et on suit l'histoire de Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma, qui sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour l'enfant. Et on retrouve au casting Babette, Warbeck et Elsa Oumen. Le film suivant, tu peux nous le présenter, Maxime ? Et oui, et c'est Alpha. Et c'est le retour de la cinéaste Julia Ducorneau, qui avait gagné il y a 2 ans, c'est ça ? Titane, avec Titane, sa Palme d'Or. Donc c'est son retour à Cannes, avec un film dramatique franco-belge. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle, dans les années 80, de la ville portuaire du Havre, où une jeune fille de 13 ans est rejetée par ses camarades de classe parce que la rumeur court qu'elle est atteinte d'une nouvelle maladie grave. Après l'école, elle revient un jour avec un tatouage au niveau du bras. Alors, dans le casting, on retrouve Emma Mackey, Goldschiff Farahani et Tahar Rahim. Donc aussi quelques noms, notamment Tahar Rahim, un peu connus. Donc, voilà. Le suivant, c'est Renoir de Ayaka Washi. C'est un drame japonais. Alors, au cœur de l'été 87 à Tokyo, alors que le Japon est au sommet de sa croissance économique, une jeune fille excentrique et sensible de 11 ans doit faire face au cancer de son père en phase terminale et au stress de sa mère déjà surchargée de travail. Chacun d'eux recherche désespérément des interactions humaines. Donc, dans le casting, on retrouve Hikari Ishida. Voilà, ça a l'air joyeux, ce film. Ouais. Ensuite, il y a l'histoire du son, The History of Sound, de Oliver Hermanus. Donc, un film romantique, historique, américano-britannique, inspiré de la nouvelle du même nom de Ben Shattuck. Il raconte la relation entre deux hommes, Josh O'Connor et Paul Mescal, qui se rencontrent en 1916 et voyagent ensemble durant l'été 1919 pour enregistrer les chansons folkloriques de leurs compatriotes dans la campagne de la Nouvelle-Angleterre. D'après vous, pour l'instant, lequel vous intéresserait le plus et pourquoi, bien sûr ? Intriguant. Moi, en vrai, le Wes Anderson m'intéresse parce que c'est souvent qui tout double avec Wes Anderson pour moi. Soit j'adore, soit je comprends rien et j'aime pas du tout. Donc, je suis intriguée là. Film d'espionnage. Vincent ? Je vais rejoindre Maxine sur le projet phénicien de Wes Anderson, parce qu'effectivement, Wes Anderson, même si ça passe sous sa casse, il a cet univers assez particulier qu'on a pu voir dans The Grand Budapest Hotel, La famille Tannenbaum, Fantastic Mr. Fox, etc. Il a son univers bien à lui, et même si c'est pas le meilleur de ses films, il y a au moins cet univers assez décalé, et on retrouve Tom Hanks et Scarlett Johansson, qui avaient joué dans son précédent film Asteroid City. Et ensuite, Eddington de Ari Aster, parce que très gros fan de Hérédité et Midsommar, il avait réalisé une bonne comédie noire aussi avec Boy is Afraid, donc à voir ce qu'il va faire avec Eddington. Marlène ? Eh bien, je vais suivre mes camarades, parce que j'imagine qu'un film avec un beau casting comme Scarlett Johansson et Tom Hanks et les autres que je ne connais pas, mais en tous les cas, puis le synopsis a l'air sympa, et vachement quand même moins tristoun que la plupart des autres films. Pour ma part, je suis Vincent et puis Maxine. Le premier film, parce que ça passe sous sa casse, mais c'est vrai que Wes Anderson, c'est toujours un super casting en général. Il va aller chercher des acteurs à ses côtés, on pourrait dire, et il va en tirer des fois des personnages dont on ne s'attend pas forcément de voir jouer dans ces rôles-là, donc pour ce côté-là. Et puis, l'autre film, c'est Eddington, qui m'intéresse aussi, parce que Polar Noir, tout ça, c'est un univers un petit peu... Il y a des bons acteurs aussi. Ouais. Et puis, ce côté un peu Polar Noir, j'aime bien, ça change. Les autres, j'avoue... Alpha, du Corneau. Ça m'intéresse aussi. Je pense qu'elle fait souvent des trucs un peu bizarres. Et ça part d'un truc tout simple comme ça, et ça s'étire dans des trucs hyper glauques. J'ai du mal avec les trucs où il y a des enfants malades. Mais je pense pas qu'elle est... ça va devenir un truc bizarre, un peu body horror, voilà, je pense. Parce que je pense c'est sa patte. Moi, je la verrais bien être un vampire ou un truc comme ça. Ouais. Sans avoir lu... Parce qu'on a seulement lu le synopsis, on donne un avis par rapport au synopsis aux acteurs. C'est ça, on n'a pas encore vu les films. Alors. Une fille de 13 ans rejetée par ses camarades, moi ça me fait de la peine en fait. Voilà. Et j'avoue ne pas encore non plus avoir regardé le trailer, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pris le temps encore de le regarder, donc là c'est vraiment découverte. Moi c'est volontaire, je ne veux pas regarder, avant de faire l'émission je ne regarde pas, pour avoir mon premier ressenti. Parce qu'après, c'est vrai qu'une bande... Et puis, quand on sait qu'un trailer... Alors, c'est soit vendeur, soit... Raté. raté ou attrayant. Voilà. Mais, ouais, on est vraiment sur de l'intuitif. Voilà, voilà, tout à fait. Et oui, Alpha... pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'elle nous réserve des fois des... Mais c'est souvent assez scindant, ces œuvres en général, on aime ou on n'aime pas aussi, c'est pareil. Mm-hmm. Parce que bon, c'est assez violent, il faut le dire. Ah oui, oui, oui. Et puis bah, les autres, bah, non, c'est, comme tu disais, c'est un peu tristouné. Et puis bon, je pense qu'on a envie peut-être un peu plus de gaieté dans ce monde si triste. Et puis, bah, si pour revenir sur Alpha, ce qui m'amuse, Le Havre, déjà, rien que le décor du Havre. C'est ça, quand on connaît son maire en plus, bon, on n'a pas envie. C'est tout grisouille. Tout est grisouille. Quoique, en vrai, l'histoire du son, si la BO à Volko, oui, ça peut être sympa aussi. J'aime bien le casting en plus. Oui, oui. Donc, pourquoi pas. Faux. Mais... C'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, je te propose, Vincent, de nous mettre une bande originale d'un film qui a eu la Palme d'Or à Cannes et qui, pour une fois, avait secoué un petit peu les vieilles badernes du festival, puisque c'est Tarantino avec le fameux Pulp Fiction. Et on va écouter la chanson de Chuck Berry pour le film, qui a été du coup le titre You Never Can Tell. C'est parti. It was a teenage wedding and they all wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Eh bien, de retour sur Radioactive pour ce cinéphage spécial Cannes avec la team Radioactive qui va continuer à un petit peu chroniquer un petit peu les films qui vont être présentés en compétition. Alors, on continue avec la petite dernière, c'est pas Maxine, de Apsia Herzi, un film dramatique germano-français. Alors, il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Fatima Daas, publié en 2020. Donc c'est l'histoire de Fatima, la fille cadette d'une famille d'immigrés algériens qui grandit dans une banlieue parisienne. Les thèmes de l'amour et de la sexualité sont tabous pour elle. Lorsqu'elle quitte le lycée de banlieue pour se préparer à ses études, elle va commencer à prendre sa distance avec sa famille. Fatima découvre de nouveaux projets de vie et découvre son homosexualité, ce qui l'amène assez vite à sortir du placard. Cela entraîne un conflit familial, sa foi musulmane et avec elle-même, avec toutes ses contradictions. Donc, c'est avec Nadia Meliti dans le rôle de Fatima. Hmm. Alors, dans la sélection officielle, on retrouve également le film Syra de Olivier Lax, un film d'aventure franco-espagnol. Après que la fille de Luis, Mariana, a disparu sans laisser de traces lors d'une rave party au Maroc il y a plusieurs mois, il se lance à sa recherche. Il est accompagné de son fils de 12 ans, Esteban. Lors de la rave, parce qu'on a un accent à Radioactive, personne ne dit avoir vu ou connu la jeune fille. Lorsque la police marocaine met fin à l'événement, tous les étrangers doivent être expulsés. Louis et Esteban s'enfuient alors avec plusieurs participants de la fête. Le groupe traverse ensuite le massif de l'Altas dans un bus cabossé. L'objectif est une autre rave illégale à la frontière sud du Maroc. Louis et Esteban espèrent y rencontrer Mariana, avec dans le casting Sergi Lopez et Bruno Nunez. Donc ensuite, on a une nouvelle vague de Richard Linklater, un film français, donc qui raconte un peu l'histoire du film « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard. Donc on voit la réalisation du film, entre autres avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Et donc c'est un film qui avait lieu en 1960. Donc on suit toutes les aventures un peu de la nouvelle vague avec Godard qui était un des réalisateurs de cette nouvelle vague. Bon, un film vraiment sur le cinéma, pour le cinéma. Le suivant s'appelle « Deux procureurs ». C'est de Sergueï Loznitsa, un film dramatique et historique, adapté du roman soviétique éponyme « Dva Prokurova » de Gueorgui Demidov. Le film est une coproduction tournée en langue russe entre la France, l'Allemagne, la Roumanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Lituanie. Donc, synopsis, Union soviétique en 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l'une d'entre elles arrive quand même à destination sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Kornev se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d'agents corrompus de la police secrète, le NKVD. Bolchevique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu'au bureau du procureur général à Moscou, à l'heure des grandes purges staliniennes. C'est la plongée d'un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. C'est avec Alexander Kuznetsov, voilà, et Alexander Filipenko. Beaucoup d'Alexander. Voilà. Eh oui. Donc c'est bon, tu as passé ton diplôme de russe. B2 russe, ça y est. Donc on va passer maintenant à Vincent qui va nous faire un film italien. Oui, Fiori de Mario Martonet, un film franco-italien comme précisé. Il s'agit d'un film inspiré d'un livre sur l'actrice et écrivaine italienne Goliarda Sapienza, inspiré donc du livre L'Universitad di Ribibia, qui raconte son séjour en prison. L'écrivaine se retrouve en prison à cause d'une action totalement irréfléchie. Après sa libération, l'amitié entre elle et les autres détenus perdure, ce qui suscite l'incompréhension dans les milieux intellectuels qu'elle fréquente, avec Valeria Gogliano. Intéressant. Alors, un autre film, cette fois-ci brésilien. C'est L'Agent Secret, ou O Agente Secreto. Si, señor. Si, señor. De Kleber Mendoza Filho. Donc, c'est un thriller politique qui se déroule du coup au Brésil et ça se passe en 1977. Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Donc au casting, on retrouve Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Candio et Udo Kier. Mmh. Udo Kier, qui est un célèbre chanteur et acteur allemand, donc dans cette production brésilienne. C'est assez intéressant de retrouver. Il y a quelques similitudes parfois entre l'Allemagne et le Brésil. Ensuite, eh bien, Dossier 137 de Dominique Moll, film policier français. Alors, le Dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, qui est enquêtrice à l'IGPN, donc la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le Dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro. Donc, un film avec Léa Drucker, Johan Blanc et Gustalji Malenda. Donc, un petit peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Mmh. Eh bien, messieurs, mal, dames, à vous de choisir votre ou vos films qui vous semblent vous intéresser pour une palme. Eh bien, moi, il y en a plusieurs que je trouve sympathiques. Alors, il y a La Petite Dernière, je pense que ça peut être hyper intéressant. Le premier dont on a parlé, là. Sur la jeune fille musulmane, etc. Je pense que ça peut être bien fait. Enfin, voilà, pourquoi pas. J'aime bien aussi Les Deux Procureurs sur la Russie et le régime stalinien. Ça peut être bien. Et Dossier 137, pourquoi pas. Si c'est bien traité, ça peut être sympa. Vincent ? Deux procureurs, parce qu'effectivement, la période des purges staliniennes, c'est pas franchement une époque qui est vraiment très, très connue au cinéma et très adaptée, du moins. Et ensuite, Dossier 137, par curiosité, à voir comment ça peut être mis en scène, parce que l'IGPN, pour enquêter sur la police, on en pense qu'on en veut. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, si c'est relativement fidèle, savoir comment ça se passe. Moi, j'aime bien Sirat, l'idée de cette disparition après une rave party, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans la vraie vie, en dehors des films, c'est des trucs un peu curieux. Ça se passe au Maroc, donc on sait que ça ne doit pas être un contexte hyper évident en termes de police. Voilà, celui-là éveillerait ma curiosité avec un Sergi Lopez, qu'on sait être aussi un acteur qui incarne bien ses personnages. Bien, moi, je vais rejoindre Marlène aussi. Oui, Sirat, cette espèce de road movie avec des personnages. En plus, une rave party au Maroc. Je demande à voir parce que c'est vraiment deux univers. Complètement différents. Bon, il y a une jeunesse qui a envie de liberté et à côté, on a un régime qui est plutôt, disons, une monarchie dictatoriale. Et comme tu dis, bon, pour avoir été au Maroc, c'est très bien, c'est super joli, mais la présence policière est vraiment évidente et puis on n'a pas envie de faire le con. Non, donc, en effet, le Dossier 137, bah oui, parce que ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'on est de la police qu'on est des cow-boys qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut des policiers, mais les policiers, il faut leur rappeler qu'ils sont au service du peuple et pas au service de certaines personnes. Donc c'est important que la justice, on voit toutes les affaires qu'il peut y avoir à tous les niveaux, bah, la justice doit passer avant tout et qu'on soit, comme on dit si bien, qu'on soit riche ou pauvre, nous, normalement, on devrait être mis sur le même pied d'égalité et enquêter avec la même sévérité et que les peines doivent être sévères. C'est pas parce qu'on est policier, qu'on est politicien, que derrière on peut se permettre de faire n'importe quoi. La justice doit passer quand elle doit passer. Je pense que ça ramènerait un peu de sérénité dans notre pays qu'il n'y ait pas une justice à deux vitesses et qu'on enquête vraiment. Quand il y a des salopards, il y en a partout, dans tous les domaines. Et je pense que si c'est bien traité, ça peut être intéressant. Oui, la justice, dernièrement, nous prouve qu'elle sait parfois faire. Oui, mais quand on est condamné que 7 ans pour avoir volé des milliards et que quelqu'un pour avoir volé... Oui, mais condamné. Réjouissons-nous déjà. Oui, condamné en allant en vacances avec un bracelet aux Seychelles. J'appelle pas être condamné. Ou l'île Maurice, enfin bref. Pour moi, pas de justice à deux vitesses, une seule prison, la même pour... Il n'y a pas de VIP. Quand on fait une connerie, on fait la connerie, on la paye. Quelle que soit notre notoriété. On voit encore, malheureusement, Palmade qui sort, c'est un criminel. Pas volontaire, mais on purge sa peine totale. On a fait une connerie, on paye. On a joué, on paye. Et on ne se sert pas de sa notoriété d'avocat plus ou moins véreux pour se payer. Donc j'espère que ce film va montrer que y a des gens qui sont intègres et qui veulent des policiers qui sont intègres et qui veulent vraiment faire leur métier dans des bonnes conditions, à condition que la justice derrière les suive dans ce qui devrait être normal, c'est-à-dire des sanctions. Et puis, eh bien, on parle toujours dans la sanction. Bah, le film aussi, moi, m'intéresse beaucoup. Le film qui se passe en Russie. Les deux procureurs. Parce qu'en effet, bah, c'est un film historique. Bon, en ce moment, le Russian bashing est évident. Mais ils ont eu aussi une période sombre, il ne faut pas hésiter. Bon, il n'y a aucun régime qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est quand les journalistes font très bien leur boulot, ou les cinéastes, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas spécialement à charge, mais qu'ils enquêtent avec des preuves, avec des témoins, et que ça soit... on sait, par exemple, que oui, les purges staliniennes ont eu lieu. Bon, c'était quelqu'un qui partait au départ avec des bonnes idées... social, mais qui a fini en dictateur. Il ne faut pas cacher la chose. Et donc, bah, c'est important, justement, aussi de montrer que dans l'histoire, bah, y a des gens qui partent peut-être avec de bonnes idées, mais qui finissent très mal. Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé aussi la Seconde Guerre mondiale, voir les gens qui disent « Ah oui, c'est pas moi, j'ai suivi ce que j'avais à faire ». On a vu ce que ça donnait en France avec la collaboration. Donc, c'est important de revenir sur ces pages d'histoire et que les gens soient instruits un peu sur l'histoire, hein, qu'on passe pas sur des détails de l'histoire, comme on dit souvent, pour citer certains. Non, mais voilà, c'est important de pour pas recommettre les mêmes conneries, de voir de genre de films et montrer bah, comment un appareil peut entraîner des négations et puis des condamnations. Une fois de plus, on retrouve un petit peu ce thème-là, de la justice que j'aime bien. Eh bien, je crois, Vincent, que tu nous as trouvé une plage musicale. C'est ça, et on va continuer avec le film Easy Rider, avec le titre Born to be Wild de Steppenwolf. Get your motor running. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and guns and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be Born to be wild. Eh bien, on est toujours sur Radioactive avec ce spécial Sélection de Cannes 2025. Eh bien, Maxime, tu peux nous présenter le prochain film ? Mais tout à fait, Alain. Alors, le prochain film, c'est Un simple accident de Jafar Panahi, un film dramatique iranien. Donc, ce film explore les conséquences imprévues déclenchées par un accident mineur, posant des questions sur la chaîne d'événements qui lie les individus dans des situations critiques. Marlène. The Mastermind de Kelly Richards, un film policier américano-britannique. Alors, c'est quoi ? Eh bien, en 1970, Mooney et deux de ses complices pénètrent dans un musée en plein jour et volent quatre tableaux. S'emparer des œuvres s'avère plus difficile que les voler et Mooney est contraint de fuir. C'est un film avec Josh O'Connor, Alana Haim et John Magaro. Ensuite, au programme, on a Les Aigles de la République de Tariq Saleh, un drame suédo-franco-fino-danois. Donc, au synopsis, c'est l'histoire de Georges Famy, l'acteur le plus adulé d'Égypte, qui accepte sous la contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Il se retrouve plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une relation avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Mmh. Et on retrouve au casting Fares Fares. Marlène ? Encore moi ? Allez, vous aimez trop ma voix. Sound of Falling de Masha Chilinski, c'est un drame allemand. Alors, c'est une ferme allemande isolée qui recèle de secrets depuis des générations. Quatre femmes, séparées par des décennies mais unies par un traumatisme, découvrent la vérité derrière ces murs patinés. C'est avec Gabi Hoffman, Josh O'Connor et John Magaro. Mais il est partout, Josh O'Connor, cette année, trois films là. Ah oui, il y a des films qui sont... Trois films avec lui dedans. Ensuite, eh bien, il y a Romeria de Carla Simón, un film dramatique espagnol en catalan. Donc, c'est l'histoire de la jeune étudiante Marina, enfant adoptée, qui recherche des papiers administratifs pour s'inscrire à l'université. S'ensuit alors la longue histoire de la vie de sa famille d'origine, ses secrets et ses drames qu'elle découvre au fur et à mesure de ses recherches, dans un voyage initiatique sur les traces de sa propre histoire, dans la ville galicienne de Vigo. Le film est inspiré de la propre histoire de Carla Simón, et donc on retrouve dans les rôles principaux Lucia Garcia, qui va jouer cette fameuse Marina. Et on retrouve également le film Sentimental Value de Joachim Trier. C'est une comédie dramatique norvégo-dano-franco-allemande mettant en scène Renate Resve, Inga Ibsoder Lias et Stellan Skarsgård. On retrouve également Ella Fanning et Corey Michael Smith. Donc l'histoire. À la mort de leur mère, Nora et Agnès voient leur père Gustave réapparaître dans leur vie. Réalisateur de films autrefois reconnus, il a écrit un scénario dont il voudrait que Nora, devenue comédienne, joue le rôle principal. Mais cette dernière refuse catégoriquement. Lors d'une rétrospective qui lui est consacrée dans un festival français, Gustave rencontre une jeune star hollywoodienne qui, bouleversée par l'un de ses films, manifeste son désir de travailler avec lui. Il lui offre alors le rôle initialement écrit pour Nora, voyant là une opportunité inespérée de relancer sa carrière de réalisateur. Le tournage en Norvège devient l'occasion pour Gustave d'affronter ses démons et lui donne une dernière chance de renouer avec ses filles. Eh bien, parmi ces derniers films en compétition, lesquels vous attirent le plus, Vincent ? Eh bien, moi, je suis très curieux du film « Les Aigles de la République ». Je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui m'a attiré déjà quand j'ai lu la trame hier au moment où on enregistre cette émission. Et Les Aigles de la République. Bah, je rejoins Vincent, Les Aigles de la République, ça m'attire bien. Un film sur le pouvoir égyptien, c'est pas souvent fait, donc c'est intéressant. Et Sound of Falling aussi, j'aime bien les trucs un peu comme ça, avec des drames familiaux, des fois ça peut être sympa. Voilà. Marlène ? Eh bien, un simple accident, on n'a pas beaucoup de détails, hein. C'est très court ce qu'on en dit de ce film, un accident mineur qui provoque des réactions en chaîne, ça me rappelle un peu l'effet papillon, ça peut être intéressant, puis un film iranien, ça change. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce film-là qui peut être sympa. Bah, moi j'ai pris Les Aigles de la République. Pareil, un petit peu cette corruption qui peut s'installer, l'envie de briller, hein, parce que... Mais bon, à quel prix ? C'est un peu la question qui est posée. Est-on prêt à vendre son âme ? C'est un peu faux. Pour la célébrité, est-ce qu'on est capable de passer au-delà de ses idéaux et de vendre son âme. Donc, cette idée-là m'intéresse bien. The Mastermind aussi, bon, un polar. En plus, il est américano-britannique, donc s'il y a la patte britannique... Britannique, ça peut être vraiment voilà, pas mal. Polar, ouais, ouais. Noir, bon, on sait que... Ils sont forts. Ouais, Richie est très fort pour ça, par exemple. Et puis, ça révèle des fois des acteurs. Donc, pourquoi pas, comme tu l'as dit si bien, on l'a dit collectivement, Josh O'Connor encore. Donc, oui, en effet, ben, je pense que... C'est son année. On va voir s'il obtient un prix, parce que si, avec tous ces films-là, il ne se retrouve pas à un moment... Et puis, John Magaro, parce qu'il est avec lui dans The Mastermind, mais on le retrouve également, on les retrouve tous les deux dans Sound of Falling. Ouais. Ouais. Donc, voilà, bon, c'est ce qui sort un petit peu... Après, comme vous le dites si bien, simple accident, bah ouais, on sait pas, j'ai pas eu beaucoup plus de... C'est mystérieux un peu. C'est un peu mystérieux, mais bon, c'est bien aussi de voir du cinéma étranger, hein, ça fait du bien, parce que la domination franco-américaine, heureusement qu'on dit franco sans être chauvin, mais heureusement, ça nous évite que de se taper que de la soupe américaine. Bien là... qu'il y ait des très bons films américains. Mais là, il y a pas mal de films espagnols, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de films étrangers. C'est bien cette année, c'est vrai que il y a du choix, pareil. Hein, il y a du film d'auteur, du film un petit peu plus intimiste, et puis des films plus polars et tout ça. Donc, je pense que oui, que ça peut être intéressant. Et il y a des choses. Et puis maintenant, je vais vous demander s'il y en a un que vous avez retenu de tous ces films, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez bien, qui est La Palme, parmi tous ceux qu'on a cités? On va faire des pronostics hilarants, puisqu'on sait déjà que... Déjà, on ne va pas voter, nous. On n'a pas vu les films non plus. On n'a pas vu les films, et donc on pourra se marrer dans quelques semaines. Et si on a réussi à avoir le bon numéro, hein, on peut jouer au loto. Et petite anecdote nulle qui vient de tomber il y a quelques jours par rapport au fait de ne pas voir les films ou pas, aux Oscars, ça vient de tomber, nouvelle réglementation, le jury a obligation de voir les films voilà, avant de voter. Voilà, donc vous voyez, nous on était comme les Oscars, et ben on vote sans avoir vu le film. Sans avoir vu le film, c'est quand même dingue cette affaire. Oui. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal cette année, je trouve que c'est plus riche que l'an passé, hein, au niveau des trucs... Et puis le pronostic, il va jouer sur l'intuition qu'on peut en avoir, mais aussi sur le casting. Et on sait très bien qu'un casting, c'est important pour obtenir une palme. Un prix, en général, oui. Après, les auteurs, les acteurs, ça va être surtout pour le prix d'interprétation. Mais c'est lié aussi, je suis d'accord avec toi, si on a un bon casting. Mais bon casting ne veut pas forcément dire... Bon film. Ah, vu que c'est le festival de Cannes, je me serais attendu à ce qu'on se base avant tout sur l'origine du film plutôt que sur le synopsis. Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté politique, mais bon. Bien que quand on voit les Frères d'Ardenne, la Belgique n'a pas beaucoup de choses à revendiquer. Si ce n'est le côté social, hein, les Frères d'Ardenne ont fait des bons films. Et comme je dirais, pour moi, leur meilleure réussite, c'est d'avoir trouvé Émilie Dequen. Mais bon, ça, c'est qu'un avis personnel. Bah, d'un point de vue, ce que je trouve les plus intéressants, comme moi, du moins, j'ai envie de voir, et qui, je pense, peut avoir une chance de gagner, je dirais Les Aigles de la République et Les Deux Procureurs. Je pense que des films comme ça, un peu sur le pouvoir, etc., ça peut bien plaire. Donc, pourquoi pas. Oui, que Dossier 137 risque d'être un petit peu trop dénonciateur. Politique, oui. Ça serait bien aussi avoir des coronesses. Il n'y a pas longtemps, c'était La Nuit du 12, autre film belge qui avait gagné. Oui. Et qui était très politique. Donc Marlène, toi, ton... Moi, je reste sur Sirat, mais c'est vraiment juste parce que ce synopsis éveille ma curiosité, cette rave party au Maroc. Après, je ne sais pas du tout si ça a une chance de concourir à la palme, mais en tous les cas, ce film-là, moi, me donne envie. Vincent ? Non, j'ai envie de partir sur le projet phénicien de Wes Anderson. Pas trop prise de tête. J'ai envie de me dire que pour une fois, un film qui n'est pas engagé, justement, un film ouvert à tous, peut gagner. Et puis Wes Anderson n'a jamais gagné à Cannes, non. Donc ça pourrait être... Voilà. Pour toute son œuvre, je trouve qu'il mérite d'en gagner au moins un truc. Hein. Ouais. Ben, moi, je partirais sur deux avis. Donc, Sirat aussi, un film qui est assez consensuel, qui se passe au Maroc, qui dénonce des choses. Une espèce de road trip aussi assez moderne, puisqu'on parle de rêve. dans un pays qui est plutôt traditionnaliste, qui est le Maroc. Et puis, bah oui, le Anderson, là, le projet phénicien. Comme je serais un peu d'accord, moi, pour récompenser un petit peu pour... il s'est présenté plusieurs fois. C'est quelqu'un qui... Pourquoi pas. Pourquoi pas une récompense plus traditionnelle, entre guillemets. Eh bien, après avoir donné nos simples avis... et nos pronostics. Et nos pronostics, bon, qu'est-ce qu'on parie? C'est ça la question. Ah, ben, on parie une prochaine rencontre pour faire le débrief. Le débrief. Je crois que Vincent nous a trouvé une bonne petite musique. Avant de vous laisser délibérer vous-même et puis d'aller, bien sûr, d'aller dans les cinémas, d'aller à Cannes si vous en avez la chance... Et puis vous ferez vous-même. Allez voir dès qu'ils sortent, certains sont sortis, les trailers. Ça vous donnera peut-être une autre option dans vos choix. Et puis bon festival de Cannes à tous ceux qui pourront voir les films et puis aller dans les cinémas, bien sûr, pour les voir. Et du coup, la dernière bande originale de cette émission, ça va être sur le film La Leçon de Piano, donc avec le thème le plus connu, je pense, The Earth Asks Pleasure First. C'est parti. Après cette belle pause musicale, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Alors, mon coup de cœur vidéo, c'est le film Police, film policier 2 et avec May Wen de 2011. Donc, c'est les policiers de la Brigade de protection des mineurs, la BPM de Paris, vont lutter contre les innombrables sévices subis par des mineurs traque de pédophiles, appréhension de parents soupçonnés de maltraitance, suivi d'adolescents pickpockets, adolescents dérives sexuelles, protection des mineurs sans domicile, mineurs victimes de viol, etc. En fait, toutes les affaires un petit peu crado. Plongés dans cet univers éprouvant, ces policiers très impliqués et soudés tentent de préserver leur vie privée et leur santé psychique, avec toutes les saloperies qu'ils voient. Mélissa, une jeune photographe qui est jouée par May Wen, est envoyée pour faire un reportage photo dans l'unité chargée des affaires de mœurs. Elle va croiser la route de Fred, un policier qui semble affecté par son travail et son quotidien. Et on retrouve Joe Starr, Marina Foïse, Karine Viard et Nicolas Duvauchel, entre autres. Un film magnifique, je ne sais pas si vous l'avez vu. En plus, très d'actualité, hein, avec toute la pédocriminalité qu'on a actuellement. Bah là, on voit un petit peu tous les cas sordides qu'il peut y avoir. C'est vraiment... On voit aussi la détresse des policiers, parce que là, ils n'arrêtent pas des salopards. Ils ont à traiter... Ils arrêtent des salopards, mais aussi, ils en entendent toutes les victimes. Et il y a des trucs vraiment, vraiment sordides. Et psychologiquement, ouais, on voit qu'il y en a certains qui pètent les plombs. Et on comprend pourquoi. Aussi bien des jeunes que des vieux policiers. Et puis, bon, bah, un Joe Starr, vraiment, autant... Moi, je ne suis pas très fan du rappeur. Mais au niveau acteur, il nous fait quand même d'excellents films. Moi, je préfère d'ailleurs l'acteur que le chanteur. Après, c'est... un point de vue. Marina Foïse, qui commençait à sortir des Robins des Bois, qui fait la carrière qu'elle fait maintenant. Karine Viard, bon, on ne va pas la présenter. Et pareil, Nicolas Duvauchel. Donc, un bon casting aussi de second rôle sur un sujet, comme je dis, malheureusement, encore d'actualité. On voit Bétarame. Et puis, on voit aussi la lenteur de la justice qui, derrière, pour couvrir un petit peu des... On le voit d'ailleurs dans le film, hein, des notables. Donc... voilà, on parlait encore une fois de plus de justice, on va dire que je m'acharne, mais moi je veux la justice pour tous. Je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, dames, ce film. Moi j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, mais je ne l'ai pas regardé. Parce que je n'ai pas envie de me confronter à ces trucs dégueulasses dont tu parles, dont on sait qu'ils existent, mais pour le coup j'ai... Et j'ai un truc avec May Wen, je ne sais pas. Ah ben, May Wen, elle a un côté assez condescendant. Je trouve que c'est une nana qui est... Alors, je me gourre peut-être complètement, mais il y a de la prétention chez May Wen qui me déplaît, moi. Voilà. Après, Joe Starr, en tant qu'acteur, je te suis. Mais ouais, police, non. Moi, je passe à côté. Bah, effectivement, je pense qu'on a tous les trois le même avis. Je ne sais pas pour toi, Alain. Autant May Wen, je ne peux pas l'avoir en peinture. May Wen, je ne peux pas l'avoir en peinture. Autant ce film-là, qu'est-ce qu'il est dur à regarder. C'est effectivement, bon, le casting, on ne veut pas en reparler, mais très bon. Même tous les seconds rôles avec justement ceux qui sont confrontés aux accusations, etc. Ce film, pour le coup, il est vraiment dur. Il est vraiment violent. Il est dérangeant et déstabilisant. Pas forcément par ses scènes, etc., mais par les propos qui sont rapportés, les dialogues. Et ben moi, je ne l'ai toujours pas vu, mais ça fait des années que je veux le voir. Mais voilà, j'aimerais le voir dans des belles conditions, donc j'aimerais bien une rediff au ciné ou un truc comme ça, si ça... Si ça se fait, j'aimerais vraiment le regarder. Ouais. Mais franchement, c'est un film à voir, malheureusement, qui est toujours d'actualité, c'est ce que je dis. Et puis, voilà, bah, c'est cru, hein, on présente vraiment la réalité telle qu'elle est, avec des choses sordides. Mais bon, hein, y a pas besoin d'écrire des romans, y a vraiment des tarés en France. Ah oui, non, mais ça, et pas qu'en France, hein, dans tous les pays. Et justement, bah, on montre que ces monstres doivent vraiment être traqués et soignés, ou je sais pas... Mais il ne faut pas que ça reste impuni derrière. Mais moi, depuis que je suis maman, j'ai beaucoup de mal avec les films. Ce n'était pas le cas avant. Mais je vous assure que j'ai franchi un palier où les trucs qui traitent d'enfants... typiquement, vous avez sans doute vu, il n'y a pas si longtemps, sur Netflix, où ils ont ressorti la série sur l'affaire Grégory. Ah oui. Mmh. On a tous plus ou moins vu nos générations grandir avec cette histoire. Et voilà, je me suis souvent intéressée parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé, évidemment. Mais le fait d'être maman, cette série, je l'ai regardée, ça m'a retournée. Et tout ce qui concerne les enfants, les mineurs, je ne peux plus. Oui, voilà. Mais après, c'est... Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Bon, je n'ai pas eu de cas aussi sordide, mais bon, par ma profession, j'ai eu la malchance d'assister à du mauvais traitement enfant. Et c'était un de mes ados, donc je ne citerai pas le nom, mais voilà, qui s'est retrouvé confronté à être mis en maison, retiré de ses... Voilà, pour maltraitance. Et ses parents, c'était des instituteurs. Donc ça peut arriver dans tous les milieux. Et je peux vous dire que vous tombez, quand vous-même, vous lisez des livres, vous voyez des choses, et quand vous êtes confronté à être en tant que témoin, d'avoir vu des choses, entendu des choses, et convoqué par la police en tant que témoin de ce qui se passe, là, vous avez un autre regard. Ouais, bien sûr. Non, mais et je veux dire, non, mais c'est pour ça que moi, je suis plus, peut-être moins émotif à ce niveau-là, mais ayant vécu la chose, quand je parle de justice, je veux combattre ce genre de truc, parce que je sais que ça existe, pas qu'à la télé, et que je pense, malheureusement, quand on l'a vécu, bah voilà, on est un petit peu plus agressif envers ce genre de personnes qui font des saloperies. Et surtout, avec ce film-là, on reparlait par rapport au niveau des acteurs, etc. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est que c'est pas mis en exergue, c'est au niveau des dialogues des personnages, c'est monsieur et madame tout le monde. Et puis aussi, on voit des policiers intègres. Et qui, voilà. Oui, qui travaillent et qui bien, travaillent très bien. On ne peut pas le haro sur la police, c'est non. Il y a des salopards, mais il y a des excellents policiers. Ah, mais bien sûr. Et il faut justement faut arrêter de stigmatiser une profession. C'est pour ça que je fais toujours la différence entre gardien de la paix et force de l'ordre. Voilà, tout à fait. Il y a milice au service d'un ou d'une personne, mais il y a aussi la police qui est au service du peuple et de la justice. Et ça, c'est important que dans un État comme la France, on puisse encore conserver et essayer d'améliorer tous ces petits défauts qu'on peut avoir et tous ces penchants qui partent du mauvais côté. En tout cas, chapeau à toutes les équipes qui travaillent dans le milieu de la protection de l'enfance, parce que c'est des situations extrêmement lourdes, quotidiennes à porter pour les éducateurs spécialisés et autres. Moi, franchement, pour avoir aussi travaillé un petit peu dans ce domaine, chapeau, vraiment. Oh ouais, parce que c'est dur de ne pas ramener à la maison. On le voit d'ailleurs dans le film. Ça entache leur vie privée. Ah bah, évidemment. Donc, un suivi psychologique. Ces gens ont besoin d'aide de professionnels aussi. Et c'est très important qu'on mette à disposition de ces gens-là aussi une aide, parce qu'ils s'impliquent tellement que leur vie privée en prend un sacré coup et leur santé aussi. Eh bien, nous allons passer à un autre film. Bon, plus joyeux, si on peut dire. Oui. Donc, c'est coup de cœur rétro. Alors là, c'est un polar, un vrai polar, pur et dur, qui s'appelle Fargo, un film de 96. Drame thriller de Ethan et Joel Cohen, hein, les deux frangins. Et on retrouve Frances McDormand, qui incarne Marg Gunderson, une chef de police du Minnesota, enceinte, qui enquête sur un triple homicide. Un vendeur de voitures désespéré qui est joué par William Massey engage deux criminels stupides, Steve Buscemi et Peter Stromer, pour kidnapper sa femme afin d'extorquer une forte rançon à son riche père, joué par Harvey Presnell. Et le film est une coproduction américano-britannique. Oh, ça doit être bien, ça. Donc, Il est vraiment perché, ce film. J'ai adoré ce film. J'ai regardé plusieurs fois. Il y a une série qui a été tirée, d'ailleurs, où on retrouve les personnages, que je vous conseille de voir. Je pense qu'on en parlera sûrement dans Cérébor 1 de ces 4. Voilà, donc un film, si vous aimez les bons polars avec des bons acteurs... Les frères Cohen, ils sont... Enfin, moi, je trouve que leurs polars sont quand même vraiment bien. Quoi. Bon, le seul bémol que je mets, c'est $100 pour un shérif, qui est un remake total. C'est un hommage, mais alors, ils ne se sont pas cassés le tronc. Ils ont repris le scénario intégral et voilà, avec une petite fin qui change un petit peu. Mais j'ai du mal, moi, avec les remakes complets. Qu'on reprenne la même idée et refaire autre chose, j'aime bien, mais... Faire un copier-coller, même s'il y avait des superbes acteurs, John Wayne reste John Wayne. Hein, donc ça va être dur à changer pour les westerns. Ensuite, le coup de cœur news, c'est la 20th Century Studio qui présente Predator Badlands, un nouvel opus de la franchise avec Elle Fanning dans le premier rôle. Porté par le succès de son film Prey, le réalisateur Dan Trachtenberg, auquel on doit donc le premier Prey plus 10 Cloverfield Lane, revient derrière la caméra pour l'opus suivant qui sera le 9e de la saga Predator. Et contrairement au volet précédent, Badlands semble se dérouler sur une autre planète et se concentre sur une toute nouvelle histoire. Ellie Fanning y incarne un nouveau personnage féminin qui fait équipe avec le Predator. Ce dernier apparaîtra sous de nouveaux traits, bien différents des autres films de la saga, même s'il garde toujours sa mâchoire emblématique, hein, cette tronche pas possible. Et ensuite, on aura avant Predator, Badlands, Dan Trachtenberg, nous fera un autre film, Predator d'animation, cette fois intitulé Killers of the Killers. Celui-là, je l'attends, mais comme c'est pas possible que ce soit Badlands ou Killer of Killers. Bah, moi, j'avais bien aimé le prêt où on voyait le Predator aller chez les Indiens. À une période. Donc, on était habitué plutôt à du futurisme, ou voire du contemporain. Là, c'était une guerrière indienne qui avait à lutter contre le Predator. Et donc, j'avais trouvé ça. Cette idée de voyage dans le temps du prédateur, assez sympathique. Donc j'attends, moi, la suite Badlands. Et Killer of Killers, pourquoi pas, si c'est bien fait. Ah, ça a l'air extrêmement bien fait. Il y a la bande-annonce qui est sortie. Et justement, je pense que l'histoire de presse a bien dû le marquer, parce que Killer of Killers, on suit trois prédateurs à trois époques différentes. Donc c'est dans la bande-annonce, hein, je ne spoil rien. Mais on va suivre un prédateur à l'époque viking, un prédateur pendant l'époque des samouraïs, et le dernier, plus surprenant, et c'est ça qui m'a marqué, un prédateur pendant la Seconde Guerre mondiale, mais contrairement aux autres, on va suivre un pilote d'appareil volant. Ah, d'accord. Ça va être la première fois qu'on va voir ça, donc... Oui, bah, je trouve que justement, autant il y a des sagas qui se renouvellent pas, que là, d'avoir remis un petit peu ce voyage dans le temps et de mettre Predator, contrairement à Alien, qui est toujours dans le... qui se passe toujours dans le futur, voire, on a eu même des crossovers Aliens contre Predator... qui était pas mal d'ailleurs, l'idée de mettre ces deux monstres de l'espace. Et là, moi, je trouve que cette saga, ça peut amener quelque chose. Après, on aime ou on n'aime pas, mais... Il y avait une période à vide avec quelques films type Predators, oui. Ou le film avec Adrien Brody, il y avait eu quelques films comme ça. Qui étaient franchement nuls de chez nuls. Mais là, Dan Trachtenberg, qui fait un super taf, j'ai envie qu'il continue, je veux savoir la suite. Vous, les filles? C'est pas votre cam? Je ne connais pas du tout la saga Predator. Autant Alien et tout, j'en ai vu des épisodes, enfin certains des... Autant Predator, j'en ai vu aucun. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ouais, pareil, je suis aux antipodes de ce que j'aime, je m'en fous complètement et j'ai rien à en dire parce que alors vraiment, c'est pas du tout, mais du tout le truc que j'ai. Je pense même que j'aurais l'impression de perdre mon temps à regarder ça. Je suis dure. Oui, mais quand on est fan... Bah, moi, je suis le premier Predator, il était avec Schwarzenegger, et l'histoire était vraiment géniale, parce que cette troupe de mercenaires qui se retrouve en fait pour ramener des dissidents, enfin une dissidente politique, qui se retrouve dans la jungle et qui vont se retrouver décimés les uns après les autres, alors que c'est des durs de durs, hein, bah, Schwarzenegger bien sûr, et ils vont se retrouver, les mecs qu'il y a, c'est pas un commando de... c'est pas les sept nains qui vont en balade, hein, les mecs... C'est justement marketé là-dessus, où on suit d'abord toute cette équipe de mercenaires, donc avec Schwarzenegger et d'autres acteurs, mais les mecs, je pense que dans une autre carte... Avant d'être acteurs, c'est avant tout tous des bodybuilders plus ou moins, c'est des vraies montagnes de muscles qui se font exploser. Et justement, ça a été pas mal apprécié parce que ça allait au contraire de tous les autres actionneurs, parce qu'en même temps, ça sortait dans la même période que le premier Die Hard, d'où c'était pas forcément des montagnes de muscles, mais avant tout des gens qui réfléchissaient, qui s'adaptaient, etc. Donc, c'est ce que je disais. Bah, film d'action pure, en effet, on débranche le cerveau, mais si on a envie de se faire... Parce qu'il est flippant quand même, petite anecdote, au départ... N'étant pas assez costaud et puis étant ridicule, ils avaient mis Jean-Claude Van Damme dans le rôle, dans un costume de Predator. Mais bon, le costume qui était affreux. Le costume est affreux, donc ils ont décidé, ça faisait un peu carton-pâte. Et ils ont fait le costume et les fameux maquillages qu'on voit maintenant et qui est vraiment flippant. Ouais. J'imagine me retrouver en face d'un truc comme ça. C'est un peu comme dans Jurassic Park, si vous tombez en face d'un raptor ou d'un Tyrannosaurus Rex, je pense que j'aimerais voir le mec qui dit « j'ai pas peur ». Et le rapport entre les deux, c'est que pour le T-Rex de Jurassic Park ou pour le Predator de Predator, c'est Sam Winston qui est derrière les costumes. Donc un spécialiste. Ah, super. Ben, je m'en fous quand même. Bon, voilà. Désolé à tous les auditeurs qui aiment la science-fiction. Vous n'aurez pas convaincu Marlène aujourd'hui. Oui, tous les goûts sont dans Cinéphage, on peut le voir d'ailleurs. Exactement. C'est... Alors que moi, je me suis auto-convaincue, je pense que je vais me les regarder dans pas longtemps. Mais du coup, tout seul, hein, Marlène ne les regarde pas. Tu seras gentil de ne pas me raconter. Ben, Vincent, on sera deux au moins. Yes. On sera deux au moins. Donc, maintenant, on va passer aux événements cinéma. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en Touraine avec nos partenaires, les CGR Centre et les cinémas studios. Cinéma CGR Centre de Tours, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, justement, au CGR Centre, il y a une séance unique, la découverte de la Chouette d'or. Ça sera le vendredi 2 mai à 20h avec des parties d'Escape Game à gagner pour les gens qui iront voir ce film qui parle de la fameuse aventure de la Chouette d'or. Là, c'est cette recherche qui a duré une vingtaine d'années, je crois. Qui a été retrouvée l'année dernière. Voilà. C'est un petit peu toutes ces aventures. Donc, puis bon, quand même, des places d'Escape Game à gagner. On voit que les CGR Centre... font quelque chose de bien et font de l'animation. Ensuite, toujours, on en avait parlé dans la dernière émission, Björk Cornucopia, le dimanche 11 mai... Cornucopia, même. Cornucopia, oui. Le dimanche 11 mai 2025, et ça sera seulement le 11 mai uniquement, donc c'est le fameux concert de Björk, filmé avec les backstage et un petit peu tout ça, c'est cette fameuse tournée. Donc pour les fans de Björk qui, on en parle ici aussi parce que c'est quelqu'un qui a été au cinéma, on a pu le voir dans des films, on en avait parlé. Dancer in the Dark, entre autres. Pour les fans de musique et de ciné, vous pouvez aller voir ça. Une soirée culte, vraiment culte là, puisqu'on aura Le Silence des Agneaux, ça sera le mercredi 21 mai 2025 à 19h45. Donc si vous avez loupé les débuts, oui et non, puisqu'il y avait une version Dragon Rouge, il y a une première version qui n'était pas du tout avec tout le casting qu'on pourra voir après et qui était pas mal comme version. Et d'ailleurs, la version qui a suivi Silence des Agneaux est à nouveau avec Hopkins, alors que la première ne l'était pas. Donc intéressant d'aller voir. Il y a quand même Jodie Foster, donc c'est surtout ce duel des deux personnages qui est terrible, quoi. Et puis les cinémas studios ne sont pas en reste, puisqu'il y a toujours des choses intéressantes au cinéma studio. Alors ça sera le samedi 31 mai à 19h30, une rencontre avec Sacha Aretura pour le film Walka. Ensuite, on aura une séance Soudan, souviens-toi, une séance suivie d'une discussion avec l'association ECS franco-soudanaise et ATTAC, et ça sera le mercredi 7 mai à 19h. Et puis, un autre film, Aux origines de la classe, histoire du grand détournement, et ça sera le vendredi 9 mai à 19h30. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez plein de choses en Touraine, en attendant Cannes. Et puis aussi, la nuit des studios, on parle des studios, dont on fera une spéciale émission, comme on fait presque chaque année. Et donc, on vous présentera un petit peu les 15 films qui vous seront présentés lors de cette soirée. Incontournable, si vous êtes un cinéphile et un cinéphage, vous devez au moins une fois dans votre vie faire la nuit des studios et vous ferez vraiment plaisir. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait ou pas. Jamais. Pas encore, mais j'espère la faire cette année ou l'an prochain. Idem. Eh bien, moi, j'ai eu de la chance de le faire plusieurs fois et je conseille fortement. Avantage, il y a aussi, on peut voir 5 films en fonction des horaires, on choisit. Et entre-temps, il y a une petite pause. On peut manger. Parler cinéma, on peut manger puisque c'est des stands associatifs. Donc, on fait une bonne œuvre, entre guillemets. Et puis, il y a des jeux, et voilà, on rencontre plein de gens, on fait des super rencontres. Bon, n'hésitez pas, c'est un des monuments du cinéma, maintenant, les studios, il faut absolument y aller. Comme les CGR Centres font leur soirée culte, voilà, on a la chance, on a deux cinémas en Touraine qui font vraiment des super animations, et voilà, qui vivent le cinéma et qui font vivre le cinéma. Puis une équipe à qui on donne régulièrement la parole sur Radioactive, je pense à Manon Laurie qui a été à plusieurs reprises notre interlocutrice sur l'antenne. Voilà, et puis on a de la chance, nous, d'avoir Roselyne Guérineau aussi. Oui, si, tout à fait. Qui, Roselyne, c'est un des points moteurs des studios. Et son nouveau directeur, qui est super sympa aussi. On a eu l'occasion, lors de Mauvais Tour, de l'interviewer, de le rencontrer. C'est quelqu'un, c'est un amoureux de cinéma. Et donc, c'est important. Et puis, bon, bah, bien sûr, on n'oublie pas l'équipe des CGR Centre, avec son directeur Mehdi, Baptiste, entre autres, qui avait fait notre émission, et qui sont vraiment des gens, pareil, avec qui on a un dialogue permanent. Et donc ça, c'est toujours très sympa d'avoir des gens qui aiment le cinéma et qui le font partager, et pas que de façon commerciale. Et merci à toi, Alain, parce qu'il faut quand même préciser qu'à chaque émission, c'est un gros, gros moment de préparation que tu consacres à ces belles émissions toujours remplies de plein d'infos. Bah merci, mais bon, s'il n'y avait pas les auditeurs et puis mes camarades de Radioactive plus les intervenants, je pense que les émissions ne seraient peut-être pas si intéressantes. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires des films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centres de Tours et les Cinémas Studios de Tours. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver leurs sites respectifs. Vous cliquez et vous allez voir toutes les informations dont vous avez besoin. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial Cannes 2025. Merci à tous les participants à cette émission. Merci Alain. Merci Alain. Beaucoup. Un grand merci donc à toute l'équipe aussi technique de Radioactive et puis à Maxine, hein, puisque Maxine, même si elle n'est plus sur la radio... Elle reste dans nos cœurs. Voilà, non, mais certains disent qu'il y a un fantôme qui se promène. Ben non, le fantôme, il est avec nous, bien vivant, comme vous avez pu voir aujourd'hui. C'est moi, le petit Gaspard. Et puis je pense qu'elle reviendra, ça fait comme Dino. Enfin, on a la chance aussi d'avoir des gens qui aiment tellement le cinéma et qui viennent... régulièrement, hein, c'est pas prévu forcément longtemps à l'avance, mais toujours un plaisir de parler ciné avec eux. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage ou de Sérivore, notre émission sur les séries. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Cinéphage et Sérivore Quiz sur Facebook que j'ai mis en place depuis le mois d'avril. Et vous pourrez jouer avec des quiz spéciales séries et cinéma. Souvent sur le thème un petit peu qu'on a choisi, mais des fois, si on n'a pas une actualité, ça vous permet aussi de découvrir ou de redécouvrir des séries et de jouer, puisqu'en général, je mets un petit trailer à la fin pour vous montrer un petit peu de quoi parle. Et puis on s'amuse entre personnes qui aiment le grand et le petit écran. On se fait plaisir tous ensemble. Et en attendant, bien sûr, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages.